Toujours me parle des mascaux, ça jamais, mais là, c'est pas sous passe, et puis faillé, aïe, que, et puis faillé, aïe, cul, que nos plats des bisous. Et ça recommence. La la la la la la la la la la la la la la la la et puis faillé, aïe, cul, et puis faillé, aïe, cul, que nos plats des bisous. Toujours me parle de Moscou, c'est jamais, mais là, c'est pas sous passe. Et puis, faillez, aïe, et puis, faillez, aïe, que nos plats de bisous.